France Inter. François Morel, c'est à vous. Je m'en souviendrai longtemps de ce retour du Jura. J'étais tout seul au volant de ma voiture, j'écoutais la radio. De temps en temps, je passais un coup de fil, j'ai le système quitte-main libre intégré, j'ai donc le droit de téléphoner puisque je garde les deux mains sur le volant. À un moment, j'ai reçu un appel JLT, Jean-Louis Trintignant. Nous étions au printemps 2021 et quelques mois avant, je lui avais demandé de participer à l'hommage qu'au théâtre de Sète, le 21 octobre 2021, nous allions rendre à Georges Brassens à l'occasion de son 100e anniversaire. J'avais demandé à Jean-Louis de lire quelques-uns de ses textes. Il m'avait dit d'accord. Il m'avait dit qu'il aimait Brassens, mais il m'avait précisé qu'il ne pourrait pas lire car sa vue était trop mauvaise et que par conséquent, il apprendrait ses textes. Assisté par Marianne, son épouse, ce fut sans doute son dernier travail de comédien. Ce matin du printemps 2021, Jean-Louis Trintignant m'appelait donc pour me dire qu'il avait appris deux textes, « Le grand chêne » et « Marquise », un poème mis en musique par Brassens, un poème de Corneille, auquel Tristan Bernard avait apporté une iconoclaste conclusion, comme Marcel Duchamp rajoutait des moustaches au portrait de la Joconde. Ce matin de printemps, tandis que j'étais sur l'autoroute, qu'il faisait doux, qu'il faisait beau, Jean-Louis Trintignant en personne m'appelait pour savoir si je voulais bien qu'il me récite deux textes des chansons de Georges Brassens. Croyez-moi si vous voulez, mais figurez-vous que j'étais d'accord pour que Jean-Louis Trintignant en personne, tandis que je conduisais ma voiture vers l'Île-de-France, me fasse, rien que pour moi, une récitation. Et j'ai trouvé ce matin-là, à ce moment particulier, que j'avais une belle vie. Finalement, quelques mois plus tard, Jean-Louis se révéla trop fragile pour pouvoir se produire sur scène, mais chez lui, on alla enregistrer sa voix. On diffusa le grand chêne publiquement et c'était un beau moment d'écoute, d'émotion. On garda pour nous l'enregistrement de Marquise que voici. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il sera fin et vorose comme il a ridé mon front. C'est vrai que je serai vieille, répond Marquise. Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Quand on perd quelqu'un, revient en mémoire la phrase que Jean-Louis avait prononcée dans des circonstances tragiques. « Ne pleurons pas de l'avoir perdu, mais réjouissons-nous de l'avoir connu. » Je me réjouis d'avoir eu la chance de connaître un peu Jean-Louis Trintignant. France Inter.